your friends goodbye. We can make our way outside. If they think they're gonna stop you coming with me, better change their minds. The Henny got us feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, yo. Turn me on, turn me on. Let me jam you. Radio, c'est reparti pour une nouvelle émission avec toute l'équipe de l'Happy Hour qui est là. Ouh, on reste avec vous en direct hein, jusqu'à 20h. Il y a Fab présent, il y a le kéké du standard, ouais, avec Alison. Coucou. Qui est là aussi hein, pour répondre à tous vos appels. C'est quoi, ouais, le numéro du standard? Attention, le test ultime de la nouvelle standardiste. Oh, la même kéké le sait pas. C'est... Et non, on ne ça rien, on ne balance pas. 0800. Non. Merci, au revoir. Allez, Alison. 32. Non, merci, au revoir. Bon, attendez. 02. Non, t'es nul. C'est bon, laisse tomber, on va réfléchir finalement. Je vais demander un vrai professionnel. Sandro, c'est quoi le numéro pour nous joindre? C'est le 02-851, 4x0. Magnifique! Bravo! Voilà. Voilà. Mais attends, et une autre question, Alison, tu sais dans quelle radio on est ici? Attends, je réfléchis. Non, mais c'était pas une vraie question sinon. Tout le monde va bien dans l'équipe, tout le monde a la patate. Ouais, ça y est, vous êtes tout en forme. Ouais, ouais, ouais. La folie. On aura du cadeau pour vous, on est la seule radio à vous envoyer voir le concert de David Guetta, les copains. Ouais, non seulement on vous file des places pour le concert, mais en plus de ça, une rencontre aussi avec David Guetta. Pas mal. Et une mèche de David Guetta aussi. Aussi, vous pouvez la couper, vous vous démerdez. Il y aura plein de conneries dans l'émission parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est le jour de quoi? Mais non, tu vas nous dire. Rame du cerf. Qu'est-ce que c'est? À partir d'aujourd'hui, ils vont commencer à essayer de choper les biches. Et ouais, voilà, top chrono, c'est parti, top départ. Du coup, on va se faire un petit concours du brame du cerf dans l'émission. Non mais t'inquiète, avec Fab, nous c'est tous les jours, hein, on chope de les biches. Ouais. Lol, allez, va, fais les infos, c'est bon, assis. Fun Radio. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Allez, ça y est, hein, ça fait les malins dans le studio, les mecs qui pensent avoir chopé des biches aujourd'hui. Et vous, de l'autre côté de la radio, vous avez chopé des biches aussi ou pas? Tant qu'on y est, allez-y, dites-moi, hein, 30-44 pour vos messages, on va les lire après les infos de Carlo. Carlo qui a chopé une biche aujourd'hui ou pas? Non, mais moi, c'est vrai que le brame du cerf, ça m'a toujours excité. Oh. T'aimerais qu'une dame arrive une fois près de toi et te fasse le brame du cerf? Non. Ça te chaufferait, Carlo? Non, assez. Je ne veux pas connaître tes pratiques sexuelles, Carlo, mais si tu veux bien nous faire les infos, ce serait vraiment cool. Allez, mon Carlo, c'est à toi. Avec le début aujourd'hui devant les assises du Hainaut du procès de Bernard Westphal, ex-député wallon, membre fondateur du Parti Écolo en 1980 et 32 ans plus tard du mouvement de gauche, qui aurait pu faire de lui le Jean-Luc Mélenchon belge s'il ne s'était pas passé ce qui s'est passé le 31 octobre 2013 dans une chambre d'hôtel à Ostende. Une soirée d'Halloween au terme de laquelle on a retrouvé le corps sans vie de Véronique Pireton, l'épouse de Bernard Westphal. Ce dernier parle de suicide, prétendant que sa femme s'était placé un sac en plastique sur la tête, mais la justice est persuadée que Véronique Pireton a bien été tuée. C'est en tout cas libre que l'homme politique est arrivé ce matin à son procès, disant à la presse qu'il n'avait rien à dire et qu'il réservait sa vérité à la cour et aux jurés. Le Wallon est fier d'être belge. C'est notamment ce qui ressort d'une enquête dont les résultats seront publiés par la Libre Belgique. 81% des répondants indiquent se sentir appartenir à la Belgique. Et ils sont 90% à se dire donc fiers de cette appartenance. 6% des gens à peine se sentent uniquement Wallons. Il n'empêche que 40% des sondés sont pour une plus grande autonomie des régions du pays. Mais pas question d'un bye-bye Belgium pour 93% des gens. Donc les Belges fiers d'être belges, les Français fiers d'être français, les Écossais fiers d'être écossais. Je me demande quand même s'il existe un seul pays au monde où les gens ne sont pas fiers de ce qu'ils sont, hein, comme quoi les choses sont très bien faites finalement. À propos de la France, justement, je ne sais pas si les sympathisants socialistes sont fiers d'être de gauche, mais ils risquent fort de ne pas être fiers de leur candidat lors de l'élection présidentielle de l'an prochain. C'est qu'un sondage révèle que quel que soit le candidat du PS, François Hollande ou un autre, ça ne changera absolument rien, il se fera éjecter dès le premier tour. Donc, si on part du principe que le prochain chef de l'État français ne sera pas de gauche, vu qu'on voit mal Mélenchon s'imposer, eh ben, il sera plutôt de droite. Hein. Et là, la grande question est de savoir s'il ne s'agira pas de la droite extrême. C'est que dans tous les scénarios, Marine Le Pen se retrouverait bien au second tour face au candidat de la droite traditionnelle, en tout cas, si ce dernier s'appelle Juppé, Sarkozy ou Fillon. Les supporters du club brugeois, fiers de leur club, ben, peut-être pas plus que ça pour le moment, parce qu'une défaite des Blauw en Zwart à domicile 0-3 face aux Anglais de Leicester, c'était peut-être pas la meilleure manière d'entamer la campagne 2016-2017 de Ligue des Champions. Déjà que les Blauw en Zwart ont loupé leur début de championnat. Sinon, relevons la victoire de Monaco à Tottenham 1-2, celle du Real Madrid face au Sporting du Portugal 2-1. Et puis nous avons deux scores fleuves, le 4-0 de Manchester City contre le Borussia Mönchengladbach et surtout le 0-6 passé par Dortmund au Legia Varsovie. Comme quoi on peut jouer dans la même compétition sans évoluer pour autant dans la même catégorie. Fun Radio. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Hey, c'est dégueulasse là le message qu'on vient de recevoir au 3044. Il y a un auditeur qui me dit il y a plus de pêcheurs que de chasseurs parce qu'il y a plus de thon que de biche. Hey, c'est pas cool si vous considérez que votre femme est une biche. Prouvez-nous que ça existe encore les biches aujourd'hui. Eh bah, c'est le moment de faire une petite dédicace d'amour. Hein. Rendez-lui hommage à cette jolie biche qui partage votre vie. Allez-y, 3044 pour vos messages. Pendant ce temps-là, mon Carlo, on se fait la météo. Ouais, c'est la fin de la canicule. Moi, ça me donne envie de bramer. Ah bah écoute, brame, fais-toi plaisir, vas-y, attention, okay. Démonstration. Voilà, joli, quel homme. Mais quel talent. Non, ça, c'est, mais j'ai des problèmes gastriques, c'est pour ça. Oh, c'est dégueulasse. Alors, la vidéo pour demain, bah, il va faire encore un petit peu plus frais qu'aujourd'hui. Ouais. Entre 20 et 23 degrés. Retour des nuages, hein, ils sont déjà là, en tout cas, au-dessus de Bruxelles. Non. Retour de quelques petites averses également en fin de journée. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse avec Audrey et le son de Déoro. Salut. Pendant les portes ouvertes Volkswagen jusqu'au 20 septembre, la Golf All-Star super équipée est à partir de 14 990 euros. Prime de recyclage conditionnelle de 1500 euros déjà déduite. La Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Radio, la suite avec Sound of Legends. Que ça se passe, il y aura aussi Florida avec I Cry. Et je suis comme une petite folle parce que dans quelques minutes, on va vous balancer une nouveauté. Oh là là, comment vous dire ? C'est parti, c'est mon nouveau morceau préféré de toute l'année, du siècle entier, de toute ma vie. Qui fait qu'on aime bien là, avec les trompettes. On l'écoute en boucle dans le studio, le tout nouveau son d'Aaron Chupa. Écoutez ce qui arrive, c'est énorme, je kiffe. C'est bon ça. T'as juste envie de sautiller comme un con dans la voiture, tu vois. Ah, on est au top de la chorégraphie là sur Fun Radio. Quand je vois ton décolleté, je remercie la pesanteur. Le tout nouveau Aaron Chupa qui arrive dans quelques petites minutes. Et si vous venez de vous brancher sur Fun Radio, on parle du Brahms du cerf. Attention les gars, ça ne rigole pas. Aujourd'hui, c'est le top départ de la drague du côté des biches. Et ouais, le cerf va essayer de choper les gars. Dans la forêt. N'empêche, c'est quand même un concept bizarre de Brahms. Ça se dit bramer, je crois. Ouais. De bramer pour choper une meuf. T'imagines, tu fais ça dans la vie. Moi, c'est comme ça que je fais quand j'en vois une. Après, je bave et puis je saigne de l'œil et j'appelle la police. Voilà. C'est quoi votre technique de drague? Genre le truc qui fonctionne à tous les coups? GHB. Non! C'est de la drogue que tu mets dans un verre, après la fille se souvient de rien. Ouais, super, t'as encore d'autres bons plans, Sandro? Bons plans, non, aucun. Parce que, ça se saurait, c'est vrai, parce que de toute façon, globalement, t'as pas chopé beaucoup. À chaque fois, c'est un râteau, et là, je suis avec une meuf que je paye en fait. J'ai un contrat avec les parents, et elle reste avec moi pour ça, justement. Kéké, Alison, c'est quoi votre bon plan pour draguer? Ben, moi, parler avec elle d'abord pour un petit peu. Toi, tu dois être le genre de gars, mais n'empêche que c'est cool, parce qu'au moins, il prend le temps de parler, t'en as d'autres qui vont direct, tu vois, droit au but, genre t'as même pas le temps de discuter, mais parfois limite après tu te fais friendzoner à cause de ça quand t'es trop gentil. Vrai. Retiens bien ceci, Audrey. Ouais. Personne n'écoute mieux une femme qu'un homme qui a envie de la sauter. Eh ben franchement, je pensais que tu pouvais pas dire pire que tout ce que tu m'avais déjà dit jusque là, mais cette phrase est ignoble. Heureusement qu'il y a une fille au standard pour rattraper un petit peu tout ça. Rattraper. Je suis pas sûre d'ailleurs, mais bon, on va essayer quand même. C'est quoi ton bon plan de drague? J'en ai pas, ça fait 9 mois que je suis célibataire. Oh, si je savais draguer, ça serait. Mais enfin, il faut prévenir l'équipe dans ces cas-là. T'es célibataire. Eh ben mais épile-toi et mets les chances de ton côté. Non, je revendique mon côté nature. Non, ne fais pas ça. Alors écoute. On veut bien essayer de t'aider, mais il y a des limites à tout, tu vois. Faut pas déconner non plus. Bon, on va faire un truc dans cette émission, puisqu'aujourd'hui c'est le top départ de la drague entre les cerfs et les biches avec le Brahms. On va se faire un concours de Brahms avec du concours et avec du cadeau, du coup, à la clé. La première qui va essayer de nous faire le plus beau Brahms de toute l'histoire du Brahms, eh bien, c'est Linda qui vient de Jean-Blou. Voilà, ouais, salut, ça va Linda, tu vas bien? Bonjour, c'est comme... Logan, Chris, Linda et Alicia. Ah mais vous êtes combien là-dedans? On est deux. Ah on est deux, c'est déjà bien. Pourquoi vous vivez dans un bocal? C'est vrai qu'avec le son on dirait qu'ils sont dans un aquarium de genre. Bon, Linda, Logan, est-ce que vous êtes prêts à me faire le plus beau Brahms de toute l'histoire? Oui, oui. Attention, démonstration. C'est Walking Dead, ça, c'est pas un Brahms. On dirait un cri de dinosaure, quoi. Attends, remets une fois le bruit du Brahms, Sandro, pour qu'on compare un peu. Ah ouais, en même temps, c'est moche, hein. Moi, quand j'étais petit, j'avais un cerf à la maison. Ouais, on s'en fout, tu racontes ta vie. Non, mais il faisait pas ce bruit-là, c'était pas un cerf comme les autres, le mien, c'était un cerf volant. Oh non, le Fab, quoi. Attends, 17h10. Et tu commences déjà avec tes peines de merde. Et ma soeur, elle en avait un aussi, mais c'était un serre-tête. On s'en fout de toi. C'est pas possible ça. Linda, Logan, on est d'accord qu'on fait sortir Fab de ce studio, hein, non? Pardon? On fait sortir Fab avec des vannes de merde comme ça, non? On le garde pas, hein. Ouais. Ah ouais, ben je m'en fous, je me casse un serpentard. Oh là là. Excusez-moi, mais ça va être comme ça pendant toute l'émission parce que ça va pas être possible. Hein. Linda, Logan, moi je dis, on vous applaudit quand même pour la démonstration. Ouais. Et ça, c'était quoi ça? Je sais pas, c'est un bébé qui pleure. Oula, mais qu'est-ce que vous lui avez fait à ce pauvre bébé? Linda, Logan, merci d'être passé à l'antenne. Si on vous rappelle, ça veut dire que c'est vous qui avez fait le plus beau Brahms. Si vous aussi, vous voulez venir participer, allez-y, vous nous envoyez un message au 3044. On vous prend à l'antenne et peut-être que vous repartirez avec du cadeau. Et là, c'est Sound of Legends sur Fun. Oh, Fun Radio, c'est la Happy Hour avec toute l'équipe jusqu'à 20h avec Fab, Sandro, Keke, Allison, oui, moi c'est Audrey. Il y en a du monde ici. La suite du son, c'est avec Tiesto et John Legend que ça se passe. Et puis le tout nouveau Aaron Chupa. C'est une tuerie. Et ouais, vous allez sautiller dans la voiture, ça va être un truc de malade. Il faut que je vous parle deux minutes avant ça parce que j'ai besoin de me confier à tous les auditeurs qui écoutent cette émission. Je n'en peux plus. C'est un appel à l'aide que je lance à l'antenne de Fun Radio. On parlait du cerf parce qu'aujourd'hui, c'est le top départ de la drague entre le cerf et la biche, puisque il faut savoir que le cerf pour draguer, il brame. Voilà. Depuis que j'ai parlé du cerf, Fab s'amuse à me balancer tous les mots qui commencent ou terminent par cerf. C'est une catastrophe. C'est pas vrai. Ah, tu veux pas me passer une serviette? Oh putain. Allez, arrête quoi. En plus de ta faute, maintenant, il y a même les auditeurs qui s'y mettent. On me dit ma grand-mère, elle est partie avec son cercueil. Au secours. J'en peux juste. Il était plus, sur quoi. Ma liste. Et qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure avec le resto? Je prendrai pas de dessert J'en ce soir. J'en peux plus, sérieusement. Je suis fou de ma vie. Par pitié, sérieusement. Allez-y, vous savez quoi? Balancez tous les mots où il y a cerf dedans par SMS au 3044. Comme ça, le Fab, il va tous les lire, ça va lui faire un kiff et puis il va me foutre la paix avec ses conneries. Tu me sers à boire, s'il te plaît? Oh putain. Sérieux, je suis au bord du. Je vais craquer, hein? C'est ce que vous voulez, hein? Je suis. Et tu seras. Au secours. Et je vais plutôt parler avec des gens normaux. Enfin, j'espère. Jean-Yves qui vient de Liège. Bonjour Jean-Yves, comment ça va? Bonjour. Ça va bien? Comment tu vas? Ça va. Ah, j'adore. Un vrai Liégeois avec l'accent et ça, c'est beau. Jean-Yves, qu'est-ce que tu fais de beau? Je viens d'arriver à la maison. Ah, bah c'est très bien. T'as bossé aujourd'hui, ça a été? Oui, ça a été une longue journée. Ah, ouais, tu m'étonnes. Et bientôt les congés ou c'est fini? C'est fini. Aïe, ça fait mal, c'est pas grave. Reste bien à l'écoute de Fun Radio, tu vas voir, on va te mettre la patate, mon Jean-Yves. Bon, Jean-Yves, si t'es là, c'est que tu vas nous faire une démonstration de brame comme personne ne le fait ailleurs. Ouh. Si t'arrives à nous faire un magnifique brame, n'est-ce pas? Tu repartiras peut-être avec du cadeau Fun Radio. Oh, on t'écoute. Là. Attention, démonstration, Jean-Yves, c'est à toi. Oh, oh, oh, oh, oh, c'est génial, toi. Bravo. Oh là là. Énorme. Eh, hey Jean-Yves, tu t'entraînes le soir chez toi, c'est pas possible, c'est pas du one shot ça. Ça, non, c'est du one shot. Et par rapport à ce que j'entendais justement à l'émission tantôt, j'avais justement un petit service à vous demander. Oh non. Comment ça va, Jean-Yves? Ça va pas le faire, t'arrêtes ça tout de suite. C'est quoi le service dont tu as besoin, Jean-Yves? Balance. En fait, j'avais envoyé un message tantôt, enfin le matin, à Bruno Fun Radio. Yes. Mais bon, c'est pas passé, malheureusement. Ouais. Je me marie en fait dans 3 semaines. Oh. Et il te faut un cerf, c'est ça? Non, tu veux une femme? Une biche. Alors, qu'est-ce qu'il te faut, mon Jean-Yves? Non, ce qui se passe, c'est que le budget étant fort limité, en fait, on ne trouve absolument pas DJ avec les lumières et la sono pour 200 euros. D'accord. Eh, mais attends, Jean-Yves, tu sais, dans la PIOR, on a le coup de pouce. C'est une séquence, justement, qui est faite pour vous, pour tous les auditeurs qui écoutent la radio. Et on essaye de vous aider. Eh bah, tu sais quoi, mon Jean-Yves? On va reprendre tes coordonnées et on va essayer de t'aider dans l'émission. Parce qu'on demain. Est serviable. Demain. Oh, non, j'en peux plus, sérieux, j'en peux plus. Mais demain. Oh, je te jure, j'ai envie de craquer. Demain, je te jure, ça sera ton émission. On te prend à l'antenne, on va essayer de te trouver ça pour ton mariage, d'accord? Ok, merci, c'est gentil. Mais sinon, Jean-Yves, on a quelqu'un ici qui peut t'aider. Fab, il peut bien faire la roue, il n'y a pas de problème, il va faire le bouffon à ton mariage. Ah, il fait plein de trucs, il fait surtout le con, il fait surtout le casse-couille. Ça, c'est très bien. Ouais, un fou là, comme troubadour, je joue des. C'est très drôle. On peut te le donner un soir. Hein. Ouais, non, on va rien faire du tout. Jean-Yves, et merci d'être passé à l'antenne, on donnera en quart demain, hein, d'accord? Ok, pas de soucis, merci. Gros bisous, Jean-Yves. Moi, toi aussi, t'es le meilleur, Jean-Yves. Si vous aussi, vous voulez essayer de faire le brame là, à l'antenne pour essayer de repartir avec du cadeau, allez-y, hein, vous m'envoyez un petit message au 3044 pendant que ta communauté Fab se déchaîne par SMS. On me dit, il faut être certain. Ah oh. Je serre les fesses. Oh, oh. Je fais une soupe de cerfeuil. Dis bonjour au sergent. Je pars en vacances en Serbie. C'est Géraldine qui nous dit ça. Je suis sur la route de Cerfontaine. Le cerf-volant, Fab a oublié son cerveau chez lui. Ah voilà, enfin, mais ah ouais, chancé. Et il est où le cerf dedans? Hein, bah, cerveau. Ah ouais. Oh, bravo, bravo. Bon, si vous avez d'autres mots comme ça où on entend le mot cerf, allez-y, hein, balancez 3044 pour vos messages. On va se faire un kiff juste après le son de Tiesto et John Legend maintenant qui débarque sur Fun. Merci. Dans la radio. Ce matin, c'était ça. Tu voulais qu'on appelle ta maman. C'est quoi le message que tu veux passer en fait? Bah, lui dire que j'aime beaucoup parce que je lui ai jamais dit et que c'est important pour moi de lui dire quoi. Devant tout le pays,

girlfriend's lake, caught the fish with his harpoon. The marlin thought to himself, this is grandpa's gruel. Le nouveau Aaron Chupa, franchement c'est un kiff total hein. Vous l'avez trouvé comment vous? 30-44 pour vos messages, ça nous intéresse d'avoir vos avis. Il y a Rihanna et Drake qui arrivent dans un instant. Il y a des gens dans la vie qui font des choses utiles. Oh, merci beaucoup. Et puis il y a lui, Fab. Il s'amuse à faire des tops qui servent à rien. C'est le top 3 sur Fun Radio. Ouais, et si vous venez débarquer dans l'émission, bah déjà bienvenue hein, dans la Piowa. On est en train de parler des cerfs, parce qu'aujourd'hui c'est le top départ de la drague entre les cerfs et les biches. Et bah, peut-être que vous le saviez pas, mais les cerfs pour draguer, ils brament. Attention, démonstration du cri du brame, s'il vous plaît Sandro. Le brame, c'est ça. Franchement, très glamour. Vraiment, ça donne envie. Moi, c'est tout plutôt suite, le bruit que j'ai fait une fois que j'ai dragué, quand j'ai joui. Moi, c'est le bruit que je fais quand je vais aux chiottes. Oh. C'est clair. Il y a ton côté glamour qui vient de se barrer par la porte. La cour d'elle va le rattraper. Et je vois tous vos messages qui arrivent là au 3044 parce que Fab s'amuse depuis tout à l'heure à me balancer tous les mots dans lesquels on entend cerf. C'est insupportable. Je vais les lire, hein, c'est promis. Il sert à rien. Mais d'abord, on va se faire un petit top 3. Un top 3 de quoi? Eh ben écoute, je me suis imaginé ce matin, je me suis dit, tiens, je suis un cerf, je suis dans la forêt, comment je peux draguer? Ouais. Je me suis dit, comment il drague les cerfs? Tu sais, c'est un bel animal, c'est fort, c'est robuste, il est tout nu, il est dans la forêt. Mais je me suis dit. Il y a des trucs quand même, ouais, il y a des trucs faire, que lui peut faire mais que nous on peut pas faire. Donc aujourd'hui, voici un top 3 sorti de mon imagination. Top 3 des choses que tu peux faire pour draguer quand t'as un cerf. Numéro 4. Hein? C'est un top 3, il me met le 4, mais t'es sérieux? C'était pour voir si tu suivais. Ok. C'est bon, parti, numéro 3. Numéro 3. Merci. Tu peux l'emmener se balader dans un coin plein de pièges à loups. Et une fois qu'elle est prise dedans, tu peux sauter l'étape. On fait connaissance. Je t'invite au resto. Je te paye un verre. Comment tu t'appelles? Tu passes directement à l'étape suivante. Petite coquine, t'as attaché. Je vais te détacher. Mais avant, tu vas prendre serre. Ah, non, au secours. Numéro 2. T'es pas obligé d'être fidèle? Tu peux la tromper dans tous les sens. Bah, niveau corne, elle a ce qu'il faut. Une ou, oh, une ou deux en plus, personne verra, eh, la non, différence. Non, non, les biches, ça a pas de corne, je crois. Quoi? Non, les biches, ça a pas de corne. Et sur quoi il se tient alors le cerf? Eh ben. S'il y a des biches qui ont des cornes? Non, ça n'a pas de corne. Eh ben, dans mon top 3, ils ont des cornes. Est-ce que ça a des cornes? Attends, Sandro, mets une photo de non, la non, biche. Ça n'a biche pas de corne. Pas corne hein. Tu racontes que de la merde. Si, si, il y a des petites cornes. Rien à voir. Numéro 1. Et enfin, la meilleure chose que tu puisses faire pour draguer quand t'as un cerf, c'est des économies, mec. T'es pas obligé de l'inviter à l'hôtel, tu peux la prendre où tu veux, comme ça, dans la forêt, sans devoir te cacher, en plein milieu. Au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Un type bizarre, il te prend une photo et tu termines dans le National Geographic. C'est pas grave. Ça m'inquiète, sérieusement, parce que je suis sûre que même si t'es pas un cerf, tu serais capable de faire ça. Tu vois? Dans la forêt? Ouais. Mais ah c'est déjà oui, fait. Moi, je suis dans le National Geographic aussi. J'aurais même pas dû dire ça. Bon, il y a Xavier qui est là, qui vient de Fléron. Salut Xavier. Salut, salut, bon, Xavier, Xavier, tu nous as fait le plaisir de nous envoyer un petit mot où on entend le mot cerf par SMS au 3044. Vas-y, balance. Ouais. Bah écoute, moi je trouvais qu'on s'en prenait tout le temps au même dans l'équipe. Ouais. C'est le même qui s'est caché, le pauvre Fab. Merci. Mais j'ai envie de lui dire, quand on ne sert à rien. Ah

Allez, ça balance là, hein, par SMS au 3044 à cause de toi, Fab, tout ça, t'as vu? Ouais. Et dire qu'il y a des gens qui sont dans le même délire que toi, c'est ça qui m'impressionne le plus. On parlait des cerfs dans l'émission, et du coup, le Fab, depuis tout à l'heure, il me balance des mots que où il y a des cerfs dedans. C'est insupportable. On me dit, moi, je l'incarcère dans mon boxer. Si tu me demandes, je te sers. Oh et bah, dis, wesh, wesh ou quoi? Moi, j'ai acheté des articles que j'avais pas besoin. Merci, Olivier, ça n'a rien à voir. Ah ah, t'as eu ton certif, il en est certain. T'as un cerf volant. Oh là là là là là là. C'est tout bon ça je trouve. C'est genre pas possible, fais le trafic, c'est bon comme ça. L'infotrafic dans la P-Hour. Ce sont de vraies infos, mais c'est pas un vrai commandant. Pas un vrai commandant. Je vous rappelle que je suis avec certitude un officier assermenté. D'accord. Même en néerlandais, je fais des blagues. Ça va sur la route? Oui, oui, je m'éclate. Alors, je suis le E17. Il n'y a pas que moi qui suis éclaté, il y a un camion qui s'est éclaté aussi. Et donc, du coup, ce Ziverair, il bloque toute la voie de droite. Et ça, c'est pas gay, ça fait chier tout le monde. Je dis bonjour aux collègues qui sont sur le E40 Liège, à direction de Bruxelles. Allez, je vous dis, à hauteur de Astrode. Ils sont là, contrôle de vitesse, flash et tout le bordel. Même chose sur le A12, Bruxelles, direction Anvers. Et je crois que j'ai certainement terminé de faire toutes ces informations. Parce qu'après, ça enflante, ça vous intéresse pas. Au secours, non, pas trop. J'en peux plus. Et il y a quoi d'autre comme mot avec le mot cerf dedans? Genre, on a tout balancé là où il en reste. Il en reste toujours. Hein, dessert dans l'équipe, Sandro. Bah, tu sers à rien, mais ouais, on l'avait déjà dit. On l'a déjà dit, le kéké du standard. Une bonne soupe au cerfeuil. Et pourquoi tu prends un accent comme ça quand tu prends une soupe au cerfeuil? C'est moi. Hein, de... Par contre, moi j'ai soif. Tu veux pas me donner un petit verre de sirop? Sirop tesser. Non. Ah, de tesser, ok, j'allais dire, parce que sirop ça marche pas, c'est nul. Par contre, moi j'ai mon pantalon qui me sert un peu. Hein. C'est vraiment nul, quoi, sérieusement. Eh, on passait une bonne émission et tout, puis quand Fab a balancé ça, ça a tout changé, quoi. T'es fier de toi? T'es content? Bon, ouais. Si vous êtes dans le même délire que Fab, allez-y, hein, balancez-nous vos messages. Si vous connaissez des mots ou des expressions, ou peu importe, où on entend à un moment donné le mot cerf, vous allez faire un homme heureux ici dans l'émission, alias Fab. Donc allez-y, 3044 pour vos messages, on va tous les lire, on peut même vous prendre à l'antenne, c'est chez vous ici, hein, la P-Hour. On est en direct, il est 17h44, on reste avec vous jusqu'à 20h, j'espère que tout se passe bien. Et là, je vous ai calé le son de Lion sur Fun. Standing on a lonely road, take a breath, waiting for a sign. Something that would give me hope, cause the curves make me feel so fine. Oh, I won't stop, my dreams are about you, and I don't wanna wake up now. Now I can't stop thinking of your body above me for the rest of the night. Thank you.

raconte à la radio ce que Ribéry est à l'orthographe. Heureusement, ils sont pas là pour faire des dictées. Retrouvez toute l'équipe de l'Happy Hour du lundi au vendredi de 17h à 20h sur Fun Radio. Feel so far. Dans quelques petites minutes, c'est Tout Donné qui arrive sur Fun Radio. Allez, je vois vos messages qui arrivent au 3044 et celui-là quand même il est magnifique. Hein. Vous nous balancez tous vos messages avec les mots où on entend le mot serre. Tout ça c'est à cause de femmes. je me dédouane de tout ça. Je n'assume pas du tout. On me dit d'une manière ou d'une autre, la biche va se prendre une cartouche et ça, c'est une certitude. Je lui mettrais bien une cartouche. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Je lui mettrais bien une cartouche. Je lui mettrais bien une cartouche. Je ne suis pas chasseur, mais je lui mettrais bien une cartouche. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, papa, arrête tout, Sandro. Comment tu peux pas connaître ça? La cartouche? Enfin, mais parce que j'ai une vie heureuse, moi. Elle est énorme. T'as jamais entendu ce truc? Non. Oh le ringard. Mais pourquoi vous écoutez ça? C'est Patrick Sébastien, c'est ça? Mais c'est pas Patrick Sébastien, c'est Patoche. Qui est ce Patoche? Oh, comment tu peux pas connaître Patoche? Patoche, le seul qui a osé faire une chanson sur une cartouche. Oh, Fab. Est-ce qu'il est déjà venu ici, Patoche? Et j'ai rencontré ce monsieur. Il n'est jamais venu chez Fun Radio. Mais tu sais, parfois, j'ai des doutes sur notre relation, Fab, sur notre relation ici, Fun Radio. Je me dis, tiens, est-ce que Fab doit rester dans cette émission, oui ou non? Parce que parfois, c'est compliqué. Et puis, il y a des moments comme ça qui arrivent dans l'émission où tu me dis, c'est qui Patoche, quoi. Et là, je suis face à un dilemme. Je ne sais pas si, franchement, tu as, comment dire, l'étoffe. Si tu as en fait l'autorisation de rester dans cette émission. Tu peux rompre avec moi? Je pense que oui, c'est ce que je fais à l'antenne de Fun Radio. Écoute, t'es certaine de ce que tu fais? Oui, à un moment donné, il y a des limites, tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. D'accord. Quoi. Tu me déçois, Fab. Alors, moi perso, j'estime que ne pas connaître Patoche, c'est pas possible. Tu peux pas rester là, Fieu. Franchement, est-ce que quelqu'un qui écoute cette émission ne connaît pas aussi Patoche, n'a jamais entendu la chanson de la cartouche? Si c'est le cas, s'il y a au moins un auditeur. Vraiment, c'est une promesse. Hein. S'il y a un auditeur qui dit qu'il n'a jamais entendu cette chanson, tu restes. Si on reçoit pas de message, tu restes pas. Non. Si. Je compte sur vous, les auditeurs. On verra ça. Allez, soyez serviables. Après les infos. Fun Radio. Fun. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Et je peux te dire que c'est déjà mal barre pour toi, puisque là on a reçu des messages qui disent qu'ils connaissent la chanson de Patoche. Donc on a essayé de se débarrasser de Fab pendant un an et demi, on va y arriver sur la chanson de Patoche. Et ça c'est beau. Allez-y, 3044 pour vos messages. Il y aura le son de Dimitri Vegas et Like Mike. Tout ça c'est ce qui arrive. Après les infos, et c'est avec Carlo. Bonjour Carlo. Hey, moi je connais pas non plus hein, donc, ah non, mais ça compte pas. Ça ne compte pas pour Carlo. Je me casse aussi alors. Non c'est bon, tu peux rester Carlo, j'ai besoin de toi. Ça ça m'arrange bien parce que bah, pour le moment ce mois de septembre 2016 est assez désastreux hein, au niveau social, avec des annonces de restructuration, de fermeture d'entreprise qui se succèdent quasi tous les jours. Le coup de massue de ce jeudi concerne les 274 travailleurs de Douwekbeer à Grimbergen, des gens dont le café a dû avoir un goût particulièrement amer hein, ce matin. L'usine en question existe depuis 1973 et devrait fermer ses portes dès le mois de janvier prochain. L'ensemble des produits fabriqués sur le site sera transféré vers d'autres unités de production du groupe, là où sans doute les ouvriers sont exploités un petit peu plus encore que chez nous. Et puis nous avons aussi la faillite des boutiques MS Mode en Belgique, je suppose que vous devez connaître. En fait, ce sont là 220 personnes qui sont concernées. Pour le reste, bah, pas besoin de vous rappeler ce qui se passe chez Caterpillar. Hein, le secteur des banques est fort chahuté aussi, avec des pertes d'emplois. Tous les spécialistes vous le diront qui vont s'y multiplier. Les salariés d'ING se disent d'ailleurs très inquiets quant à leur avenir. C'est alors enfin que Eurostation, une filiale de la SNCB, va virer une quarantaine de travailleurs vu que ses affaires ne vont pas très bien. C'est tout pour aujourd'hui. Tous ces dossiers vont sans doute pas mal préoccuper les députés fédéraux hein, qui ont fait leur rentrée officielle aujourd'hui, le jeudi 15 septembre. C'est une grande première, jusqu'à l'an dernier encore. Cette rentrée était fixée au deuxième mardi d'octobre, jusqu'au moment où les parlementaires se sont demandé pourquoi prolonger aussi longtemps la trêve estivale. Et comme ils n'ont pas trouvé de réponse intelligente, ils ont donc décidé de changer les choses. Cela dit, ce sera toujours bien le deuxième mardi d'octobre, comme avant donc, que le Premier ministre fera la déclaration de politique générale de son gouvernement et présentera les grandes lignes de son budget. D'ici là, on aura droit à une séance plénière tous les jeudis, essentiellement pour interroger le gouvernement. En football, la Belgique reste deuxième au ranking FIFA, donc au classement mondial, loin derrière l'Argentine, mais devant l'Allemagne, troisième, qui dépasse la Colombie, la dernière étant ex aequo avec le Brésil, qui vient de gagner deux matchs de qualif pour la prochaine Coupe du Monde. Enfin, on sait à présent comment s'appelle le bébé panda qui a vu le jour à Périlesa il y a 3 mois et demi, dont le baptême officiel a lieu ce matin en présence de l'ambassadeur de Chine et de nombreux invités, notamment politiques. Bébé panda a pour nom Tianbao, ce qui signifie trésor du ciel, en chinois évidemment, on n'avait pas eu donné un nom Maasai non plus. Souhaitons donc longue vie à Tianbao et au panda géant en général, le panda qui depuis quelques jours n'est plus considéré comme étant en danger d'extinction. Les efforts prodigués par la Chine pendant des années semblent donc avoir porté leurs fruits. Mais attention, les spécialistes préviennent qu'avec le réchauffement de la planète, plus d'un tiers des forêts de bambou pourraient avoir disparu dans les 80 ans qui viennent. Or, les pandas ne mangent que ça. Fun. Fun Radio. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. La suite du son Dance Floor, c'est avec Dimitri Vegas et Like Mike que ça se passe. Et puis, on est à la recherche de quelqu'un qui connaît Patoche. Et franchement, j'ai Van et Fab qui connaissaient pas et je vois tous vos messages qui arrivent là. Il y a personne qui connaît, en fait. J'ai l'impression que c'est un délire interne ici à Fun Radio. Hein. C'est pas grave, les copains, on va vous faire découvrir Patoche dans quelques minutes. On se fera ça juste après la météo, mon Carlo. Oui, alors demain, les températures seront un petit peu en recul encore hein, par rapport à aujourd'hui, entre 20 et 23 degrés, avec un petit peu de soleil, pas mal de nuages et alors le retour de quelques pluies en fin d'après-midi en provenance du littoral. Non, ça rafraîchit. Non, je déconne. Dis Carlo, oui. J'avais une question pratique, mais tu sais comment on baptise un panda ou pas? Comment on baptise un panda? Ah bah tu m'as dit qu'il y avait eu le baptême du panda. On l'a pas baptisé, on lui a pas donné le enfin c'est pas le baptême catholique. Est-ce qu'on lui a mis la gueule dans l'eau comme nous quand on est bébé ou pas? Tu crois qu'il y a eu un truc? Que je te mette la gueule. Ouais, mets-moi la gueule dans l'eau, Carlo, vas-y, fais péter. Fun Radio. Pendant les portes ouvertes Volkswagen jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme. Rendez-vous chez votre concessionnaire ou sur volkswagen.be. L'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. When the stars start to fall, will you love me, will you call? I need you close, don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love, we were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance, please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. This life is all we know. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Never catching us. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. D'être dans un truc zen, tu vois, genre c'est parti, séance de relaxation à l'antenne de Fun Radio, merci d'être là. On est avec vous là, 18h06, on est en direct, ce sera comme ça jusqu'à 20h, il y a toute l'équipe, Fab, Brazon, Sandro, pourquoi tu parles en chinois, fieu? Marco, de Red dans le personnage. D'accord, pas de problème, le kéké du son a reçu. Moi c'est Audrey, bienvenue sur Fun Radio, ça fait plaisir que vous nous écoutiez. On va se faire le son de Jennifer Lopez dans un instant, il y aura aussi Martin Solveig, Do It Right. Mais avant ça, on va se mettre une petite cartouche ici sur Fun. Bon, bon, bon, je lui mettrais bien une cartouche. Bon, bon, bon, je lui mettrais bien une cartouche. Bon, bon, bon, je lui mettrais bien une cartouche. Je ne suis pas chasseur, mais je lui mettrais bien une cartouche. Mais c'est qui lui? C'est le fils de Patrick Sébastien ou il est de la même famille? C'est Sébastien Patoche. En fait, ah, c'est un gars. Il y a un Sébastien qui... dedans. Non, alors j'ai fait la maline parce que Fab connaissait pas ce truc-là. Du coup, j'espérais pouvoir me débarrasser de lui en se disant si quelqu'un envoie un message en disant qu'il connaît pas, on le garde. Malheureusement, on a eu plein de messages. Plein d'auditeurs et vous êtes nombreux à pas connaître Sébastien Patoche. Je ne peux pas vous laisser comme ça. C'est de votre culture qu'il en va. C'est de la chanson paillarde bien. C'est un peu comme Patrick Sébastien, mais en plus jeune. Quand tu vois, c'est la relève, quoi. Quoi? Ça c'est Patrick Sébastien. Ouais merci mais non, allez si. Chante les sardines, hey. Chante les sardines. Ah qu'est-ce qu'on est sérine au fond de cette boîte. Chante les sardines entre l'île et des aromates. Hey, bah tu sais quoi Fab, t'es pas le seul quand même à pas connaître Sébastien Patoche. Il y a Déborah qui est là, qui vient d'Ornu. Salut Deb, ça va? Bonjour, oui, ça va bien? Bah Déborah, comment ça se fait que tu ne connais pas Sébastien Patoche, dis? Mais c'est normal, ils ont pas la radio à Ornu. Oh. Bah enfin. Oui, on a la radio, je vous écoute tous les jours. Ah c'est cool, fait, merci Déborah, c'est gentil. Donc parce t'avais jamais entendu de ta life Sébastien Patoche? Ah oui, oui, oui. Ah non, du tout. Bah, en fait, j'écoutais là maintenant et je trouve ça nul. Ah ça c'est fait. Merci, merci. Mais c'est pas un truc que j'ai envie d'écouter. Eh, écoute, Déborah, c'est pour de la déconne, hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Attends, parce que. Alors, hein. Y avait le coup de la cartouche, ouais, mais Sébastien Patoche, il en a fait d'autres aussi. Il y en a d'autres. Ah, il y a un truc où il trouve son slip, c'est énorme. Écoute ça. Et quand il pète, il trouve son slip. Quand tu pètes, tu trouves son slipper. C'est une blague. Attends, écoute. Quand tu pètes, tu trouves son slipper. Et quand tu pètes, tu trouves son slipper. Allez, ça continue. C'est parti, maestro. Eh, franchement, vous voyez pas la tête de Fab de l'autre côté de la radio, mais il a la bouche ouverte en mode poisson rouge et voilà quoi. Ça mais fait le gars, quand il pète, il trouve son slip. Ah, ça tu connais? Ah, bah tu vois, donc bravo. Du coup, tu connaissais Patoche un peu. Le garçon me le sent en boucle. Ah, bah tu vois, mais voilà, écoute Déborah, grâce à Fun Radio, tu restes dans le coup, c'est cool. On voit bien le niveau quand même. Elle connaît, il pète, il trouve son slip, mais la cartouche, connaît pas du tout. C'est ça quoi. Ah, non, on me dit, il est plus connu sous le nom de Cartman. Oui, c'est un animateur radio en fait en France et il fait un peu des parodies. C'est vrai qu'il est vachement connu en France, mais peut-être moins en Belgique. Voilà les gars, c'est cadeau, c'est pour nous. Maintenant, vous connaissez Sébastien Patoche et ça, c'est beau. Et c'est le mec de Valérie Benaïm qui est dans Touche pas à mon poste. C'est la chroniqueuse de Cyril Hanouna dans TPMP. Tu vois, ils sortent ensemble. Ouais. Mais elle a fait des études, elle est intelligente cette femme. Pourquoi elle sort avec un gars qui. Bah, parce que le soir, tu vois, elle lui dit pam, pam, pam, je mettrais bien une cartouche. D'accord. Ouais, bon, maintenant c'est bon, hein. On va peut-être passer à du vrai son de dancefloor si tu veux bien. Jennifer Lopez, ça vous va? Tout le monde vote pour? Ah, c'est bon, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus entendu là sur Fun Radio. Il y aura aussi Martin Solveig et pour tous les fans de Maître Gims, bah restez bien là. On vous a chopé le tout nouveau là avec J'ai tout donné. C'est ce qui arrive dans le prochain quart d'heure sur Fun Radio. Welcome tout le monde! Yourself going in. qui arrive sur Fun Radio. Ça sera juste après Môme avec Aloha. Et là, on va se faire l'horoscope. C'est parti. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Ouais, on va vous dire quel job est fait pour vous, les béliers. Pas de diplôme, vous conduisez très mal et ne parlez qu'une langue. Bonjour, bienvenue dans la police. Les taureaux. Votre plus grand rêve, être entouré de plein de corps de femmes nues. Vous adorez la viande. La boucherie Eman s'engage. Oh non, c'est dégueulasse, vieux. Les gémeaux. Vous êtes un peu fainéant, souvent malade et vous êtes très à cheval sur les horaires. Vous savez que vous pourriez faire carrière à la commune. Cancer. Si on en croit toutes vos ex, vous mentez comme vous respirez. Vous êtes voleur et infidèle. Au PS, on a besoin de gens comme vous pour gouverner le pays. Les lions. Votre passion, le sport, le foot plus particulièrement. Vous rêvez de ressembler à vos idoles. Devenez enseignant, comme ça si vous les croisez un jour, vous pourrez leur apprendre à lire et à écrire. Vierge. Depuis tout petit, vous êtes méchant, vous aimez piquer les jouets de vos amis. Vous pouvez continuer à assouvir votre passion. Comment? Rien de plus simple, devenez huissier de justice. Les balances. Vous passez votre temps à fumer joint sur joint. Vous adorez l'herbe, devenez jardinier. Lol. Mais enfin, les scorpions. Vous avez une grande gueule et ne la fermez jamais. J'ai ce qu'il vous faut. Vous avez déjà entendu parler de Jacques et Michel. Sagittaire. Vous auriez rêvé d'être pirate, les bateaux, l'eau, les fruits de mer. Eh bien, si l'odeur salée de la mer et des crustacés vous manque, devenez gynécologue. Oh non, ça me dégoûte, fieu sérieux. Les capricornes. Vous aimez beaucoup les enfants, leur contact, leur rire, et adorez porter des sandales et des chaussettes. L'église a besoin de vous. Enfin. Les Verseaux. Vous n'aimez pas travailler, préférez ne rien foutre. Devenez Carolo. Dis ça va. Et quoi, quand je vais dire poisson, tu vas dire encore un truc pire parce que c'est crescendo, non, c'est poisson, quoi? Poisson, c'est gentil. Vas-y. Vous aimez avoir un gros engin entre les jambes et n'êtes jamais à l'heure. Vous savez que votre profil intéresse beaucoup la SNCB. Ce mec est complètement taré. Si vous voulez venir le chercher, 33 avenue Télémac à Forêt. Sérieux, je vous le donne, c'est gratos. Bon, on va faire le son de Môme. Maintenant, c'est parti avec Aloha. Il y aura le nouveau Maître Gims. C'est bon, ça a tout donné. Et juste après, il y a du cadeau qui va tomber dans la Piawar. Ça vous dit de repartir avec du cadeau de Fun Radio? Bah, allez-y. Hein. Vous envoyez Happy par SMS au 6322. Bonne chance. Tous les soirs, dès 20h, branchez-vous sur Fun Radio. C'est Fun Radio Connected. Passez vos messages, vos coups de gueule, ou venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h, avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, ou au 02-851-4x0, prix d'un appel local. Fun Radio Connected, tous les soirs dès 20h, c'est sur Fun Radio, le son dance floor. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai. New thinking, new possibilities. Une croisière en mer ou un circuit en Amérique? Lâchez-vous. Réservez maintenant vos vacances d'hiver et recevez jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances? Coucou, c'est moi, Hip. Une grande soirée ou un petit repas, il y a toujours un vin qui vous convient. C'est la foire au vin dans votre hypermarché Carrefour. Alors profitez de notre grande action. 3 bouteilles de Château Laborne achetées, bam, 3 gratuites, soit seulement 4,50€ la bouteille. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Excusez-moi, oui, la Peugeot 208 là, le parc assist, elle l'a? Elle l'a. Et la caméra de recul, elle l'a? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a l'Active City Break et elle a le Mirror Screen aussi. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Ah oui. Ah bah oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options. Et de 3 ans d'entretien offert sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Ici la voix. Soyez les bienvenus dans Secret Story. Secret Story, la quotidienne, c'est du lundi au vendredi avec Julie Taton et Christophe Beaugrand à 18h50 sur Plug RTL. C'est tout pour le moment. Plug RTL. My station. This is fun. Fun Radio. Play song dance floor. Touch of your skin. Always to leave it, but I've only asked

Qu'est-ce que je fais de beau? Je suis en voiture. Non, mais c'est bien. C'est sympa. Ça a l'air sympa. Bon, Grégory, t'as envoyé Happy par SMS au 6322 parce que tu voudrais bien repartir avec du cadeau. En l'occurrence, cette semaine, on vous file une pizza party. C'est cool, hein? C'est genre un max de pizza à aller chercher chez Pizza Hut. La première bonne nouvelle, Grégory, c'est que déjà tu repars avec 25 euros de pizza chez Pizza Hut. Bim, c'est gagné! Bien! Génial. Qui va pouvoir te faire plaisir. Mon Grégory, est-ce que tu veux essayer de doubler tout ça? Est-ce que tu veux essayer de repartir carrément avec 50 euros de pizza chez Pizza Hut? Ça te dirait ou pas? Bah, carrément. Allez, je tente là tout pour le coup. Allez, c'est parti, c'est la Big Game. La Big Game sur Fun Radio. C'est le seul jeu du monde où tu peux négocier ton cadeau. Bon, on va pas se prendre la tête, on va se faire un ni oui ni non. Tout le monde connaît ça, c'est bon. C'est un jeu auquel on a à peu près tous joué quand on était petits, sauf Sandro visiblement. Le Grégory, il connaît le ni oui ni non? Ouais, je suis nul. Ouais, mais non, t'inquiète. Grégory, crois en toi. Si tu pars déjà perdant comme ça, ça va pas aller. Greg, t'es mon poulain. Ça va aller. On est sois plus bon, que Grégory. Toi, ici. Bon, Grégory, tu veux affronter qui? Yafab, Sandro, Alison, Keke ou moi? Alors, je te conseillerais Sandro puisqu'il est très mauvais. Merci. Allez, alors. Sandro, eh ben c'est parti. Allez. Alors, vous y allez, discussion, et il faut poser des questions tous les deux, hein, pas de triche, hein, c'est pas le même qui pose tout le temps les questions, sinon c'est perdu. Sandro, tu commences à faire la discussion. C'est parfait. Qu'est-ce que t'as fait de bien aujourd'hui? Je travaille. D'accord, et t'as beaucoup travaillé? On peut dire ça comme ça. D'accord, ok. Faut poser des questions, Grégory, je te surveille. Il n'est pas mauvais, Grégory. Et toi, qu'est-ce que t'as fait de beau à part ta radio? Bah écoute, j'ai glandé toute la journée, comme d'hab. Ça ne m'étonne pas. Pas trop dur? Ah bah si si, très dur. Ah il a presque failli perdre. Et tu vas faire quoi de beau ce soir? Tu vas regarder la télé? Je vais prendre ma chérie. Oh, t'as une chérie alors? Yeah. Ah yeah, ça compte, c'est bon, ça compte pas, c'est bon, ça compte, ça passe Grégory. Allez vas-y, pose une question. Pose des questions. Allez vas-y hein. Et toi tu vas faire quoi après? Bah je vais rejoindre ma chérie aussi. Ok, t'es une copine du coup? Bah oui. Ah non! Ah merde! Ouais, mais bon! Alors, non. J'allais pas dire non! Non, je suis obligée d'intervenir. Quoi? J'ai quand même l'impression que Sandro il a fait exprès de perdre, non? Ça tu vous crois? Ouais, vous avez pas senti des trucs comme ça? Excusez-moi d'être mauvais. Dis la vérité, Sandro. Je le jure. Tu sur le jures sur la tête de femme. Ouais. En même temps, Sandro, c'est pas le mec le plus fut que je connaisse. Bon, bah, Grégory, je sais pas s'il a fait exprès ou non, mais c'est gagné! 50 euros de pizza chez Pizza Hut! Félicitations mon Grégory, tu raccroches pas, on prend tes coordonnées hors antenne, d'accord? Super, un grand merci. Un gros bisous, bonne soirée à toi. Salut Greg. Et si vous aussi vous voulez essayer de repartir avec du cadeau, faut pas hésiter, hein, vous restez branchés bien sur Fun Radio. D'ailleurs, là je vous balance David Guetta avec Zara Larsson, This One's For You. S'il y a un David Guetta juste après, deux titres de David Guetta qui se suivent sur Fun Radio. Ça veut dire que c'est le double fun. À vous de jouer, vous envoyez concert par SMS au 6322 et vous serez nos invités au concert de David Guetta et peut-être même que vous allez remporter une rencontre. Allez-y, concert par SMS au 6322. Check it out. Fun Radio présente Dimitri Vegas and Like Mike Bringing the Madness. Fun Radio. Les vendredis 16, samedi 17, jeudi 22 et vendredi 23 décembre au Sport Palace d'Anvers. Salut, c'est Dimitri Vegas and Like Mike sur Fun Radio. Éclatez-vous avec les DJ belges numéro 1 au monde. Dimitri Vegas and Like Mike à Anvers pour 4 dates exclusives. Info et tickets sur livenation.be. DJ Star Fun Radio, Dimitri Vegas and Like Mike au Sport Palace d'Anvers. C'est avec Fun Radio. The radio of Dimitri Vegas and Like Mike is Fun Radio. Le son dance floor. Jupiler clôture le festival national avec une ultime after party. Le festival grand final. Le 24 septembre à l'ancienne Belgique avec un show live des Van Jets. Tentez de remporter un duo ticket à l'achat de Jupiler. Infos et conditions sur jupiler.be. Une bière se déguste avec sagesse. Kamazoutra, le son neuf. Investir dans une chaudière au mazout super économe, c'est profiter d'un rendement encore meilleur. Plus d'infos sur informazout.be. Dès que vous entendez deux titres de David Guetta à la suite, c'est le double fun sur Fun Radio. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio. Double fun. Soyez le premier à envoyer concert par SMS au 6322. Un euro message et gagnez vos places pour vous éclater avec David Guetta le 21 octobre au Etias Arena d'Asselt. Et peut-être gagner votre rencontre avec le DJ Fun Radio. Fun Radio, c'est ma radio. C'est ma radio. We were born to fly, so let's keep living. just for you. C'est le double fun sur Fun Radio. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio. Double fun. Envoyez maintenant concert par SMS au 6322. Un euro message et gagnez vos places pour vous éclater avec David Guetta le 21 octobre au Etias Arena d'Asselt. Et peut-être gagner votre rencontre avec le DJ Fun Radio. Fun Radio, c'est ma radio. C'est ma radio. Yes, it's true what they say. I'm always late. Say you need a little space. I'm in your way. It hurts that I remember every scar. And I've learned that living is the hardest part. Éclatez avec David Guetta le 21 octobre au Etias Arena d'Asselt. Et peut-être gagner votre rencontre avec le DJ Fun Radio grâce à Fun Radio. C'est avec Fun Radio que ça se passe. David Guetta a choisi la seule radio dance floor de Belgique pour son concert. Ça a lieu du côté d'Asselt. Et peut-être bien que là maintenant, il va y avoir quelqu'un qui va repartir avec ses deux places. Le double fun est tombé. Et on a Roger qui est là, qui vient de Oise, de je ne sais pas où c'est. Alors, c'est encore ma stagiaire qui a écrit comme une merde. Salut Roger, comment c'est ça Wham. Ah, c'est Wham. Ouais, dis donc, ça va Roger? Ouais, ça va. Ah, Roger, t'as entendu les deux titres de David Guetta à la suite? Ah, Roger, ça te dirait d'aller voir David Guetta ou pas? Ouais. Oh, j'ai pas l'impression, hein. Non, c'est, il quoi, a pas c'est quoi ce manque de motivation, Roger? Ouais, bah voilà. C'est une vanne? J'ai vraiment envie d'aller. Tu sais combien il y a de personnes qui ont participé pour aller voir David Guetta? Non, pas trop. Eh ben, je peux te le dire que t'as la pression, fieux. Il y a des millions d'auditeurs qui t'écoutent. Alors, je veux t'entendre. Est-ce que tu veux aller voir David Guetta, oui ou non? Mais oui. Ah, oh, bah alors écoute, oh. Ça, surprise. Double fun. Ah bah quand même. Eh bah ça y est, en fait Roger il est en suspense. Vois-moi, tant qu'on ne les donne pas, eh bah je monte pas de la joie. C'est comme ça que ça se passe. Roger, félicitations, les deux places elles sont pour toi. Et alors reste bien branché à l'écoute de Fun Radio, parce que vendredi, bah c'est déjà demain en fait, ça passe vite hein. Demain on va faire le tirage au sort. Et bah parmi tous ceux qui ont gagné leur place, tu vas peut-être repartir carrément avec une rencontre avec David Guetta. Tu vas peut-être le voir en vrai. Trop. Eh bah ce serait juste de la pure folie. Voilà, merci.

Talib et Farah, ils sont tous les deux humoristes. Alors c'est des Belges, ils sont de chez nous et ils participent à Rions Ensemble contre le racisme. Ça se passera le 20 septembre du côté de Charleroi, à Gilly plus précisément. Et puis il y a une date aussi le 22 septembre à Bruxelles. Alors comment ça s'est passé? Comment ça a commencé cette aventure? Par exemple, toi Talib, je sais que c'est déjà la deuxième fois que tu participes. La troisième même. Carrément, waouh. Parce que je coûte pas cher, donc... qu'est-ce qui t'a motivé à la base à participer à ce festival? Mais à la base, juste d'avoir été invité à un spectacle, c'était exceptionnel, cool, hein, pour un artiste pas connu comme moi. Mais en fait, à force de le faire, on se rend compte qu'il y a, tu sais, il y a un message, il y a un truc, ouais. C'est authentique en fait. On a l'impression de se battre contre quelque chose et d'apporter un vrai message. Tu te prends pour un super-héros là. Clairement. Je suis genre le Spider-Man de l'antiracisme. Non mais alors, par exemple, parce que vous avez tous les deux votre carrière avec vos propres spectacles, est-ce que ouais, là-bas, quand vous allez au festival Rions Ensemble contre le racisme, vous adaptez vos sketchs? Est-ce qu'il y a des sketchs par exemple qui sont consacrés vraiment spécialement au racisme? Est-ce que vous venez avec un truc écrit spécialement pour ça? Moi je le fais parce que c'est pas un sujet qui me touche assez que pour le mettre dans mon spectacle à moi. Donc à chaque fois j'écris un nouveau sketch pour le truc. En plus c'est inédit, c'est cool, ça fait que le public peut... Je n'ai pas envie de terminer cette phrase. Démerdez-vous. Mais donc oui, effectivement, l'idéal c'est d'écrire sur ce thème-là parce que tout le festival est construit autour de rire contre le racisme, la discrimination, etc. Donc effectivement, si on peut être dans le thème, c'est mieux, et de pas te parler d'un truc qui n'a rien à voir. En gros, le concept c'est quoi? Vous faites des blagues racistes sur scène pendant toute la soirée? Mais non, justement. C'est ça. C'est pour... limite, t'as le droit de tout faire. Non. Ah, c'est pour ça que j'ai jamais été invité. C'est bizarre. Mais toi, Farah, ça fait pas si longtemps que tu t'es lancée dans l'humour. Qu'est-ce qui t'a... un an, ouais, donc du coup c'est tout récent. Qu'est-ce qui t'a poussé à un moment donné de dire ok, moi l'humour c'est pour moi, je kiffe, c'est parti? Disons que la drogue et la prostitution, c'est pas facile, ça hein. Fait limite. Ça, du coup la trentaine, tout ça, hein, où vais-je, qui suis-je, et je me suis dit pourquoi pas essayer, et voilà. Et puis il y a Fab qui m'a repéré. Il t'a pécho ou pas? J'ai essayé. Il a essayé et du coup j'en ai profité, et voilà. Tu l'as friendzoné, ouais, c'est plutôt ça la vraie version. Tout de suite, quoi. Elle discute même pas, boum, tac, je fais oh. C'est parti. D'accord. Et c'est compliqué de se faire une place comme ça dans le milieu de l'humour parce que maintenant on a l'impression que c'est la nouvelle mode, quoi. Autant il y avait la nouvelle mode de je veux devenir DJ, maintenant c'est je veux devenir humoriste, quoi. C'est compliqué du coup de s'incruster comme ça dans le milieu. Mais surtout en Belgique, parce qu'il n'y a pas vraiment de milieu, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'argent non plus là-dedans. Ouais, donc on a l'impression de se battre. Voilà. On a l'impression de se battre pour des cacahuètes. Mais c'est cool, c'est chouette. Mais en plus, c'est pour la bonne cause. Là, pour le coup, Rions Ensemble contre le racisme, ça défend de nobles causes. On rappelle les dates, le 20 septembre à Charleroi, le 22 septembre du côté de Bruxelles. On vous filera toute la liste des humoristes qui seront de la partie aussi dans quelques petites minutes. On va se faire le son de Parakeet. Il y aura aussi Justin Timberlake. Et puis juste après, je vous ai calé un petit Lost Frequencies. Bienvenue sur Fun Radio. On est avec vous jusqu'à 20h. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. Save me, save me. À parler de Rions Ensemble contre le racisme. On se fera ça juste après les infos maintenant. Fun Radio. Fun. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. On aura des places aussi hein, à vous filer pour Rions ensemble contre le racisme. Restez bien branchés sur Fun Radio. On vous explique tout ça juste après les infos de Carlo. Bonsoir Carlo. Salut Audrey, salut à tous. La police judiciaire fédérale vient de mener une série de perquisitions dans le cadre d'une affaire de trafic d'êtres humains. 4 personnes ont été inculpées, dont 2 ont passé la nuit en prison, dont une est membre du personnel communal de la ville de Mons. Alors de quoi parle-t-on ? Il y a d'une fraude de grande ampleur qui impliquerait des personnes d'origine africaine. Celles-ci réalisent de faux documents pour permettre des étrangers d'obtenir une carte de résident en Belgique avec la complicité de membres du service étranger de la ville de Mons. Les faux papiers coûtent cher évidemment à des dizaines d'Africains ont donc dû filer des sommes importantes pour les obtenir, jusqu'à 5000 euros, et ainsi gagner le droit de se faire exploiter dans notre beau pays. Des élections législatives auront lieu en Allemagne l'année prochaine, un scrutin qui risque de faire mal à la droite actuellement au pouvoir. La CDU de la chancelière Angela Merkel, considérée comme un petit peu trop généreuse envers les demandeurs d'asile par de plus en plus d'électeurs. Mais en attendant cette échéance, il y en a eu plusieurs autres cette année avec des élections régionales qui ont déjà coûté cher à la CDU. Et ça devrait être pareil ce dimanche à Berlin, la capitale, où 2,5 millions de personnes sont appelées aux urnes pour renouveler le Parlement local. Berlin, la multiculturelle, vote traditionnellement à gauche. On s'attend d'ailleurs à une coalition entre les sociaux-démocrates, la gauche radicale et les Verts. Mais là comme ailleurs, l'extrême droite devrait obtenir un score intéressant et faire son entrée au Parlement régional avec une 15% des voix à en croire les sondages. Je vous disais à 18h que le panda géant n'était plus menacé d'extinction, en tout cas à moyen terme, grâce aux efforts déployés par la Chine et un petit peu aussi grâce à Paris Les Arts, où un baby panda a vu le jour récemment. Bon, ça c'était donc la bonne nouvelle à la manière du jour, mais il y en a une mauvaise, à savoir que les grands animaux marins sont menacés d'extinction à cause du cancer qu'est l'homme. Ça, vous l'aurez deviné, j'imagine. Voilà, c'est qu'à force de chasser les baleines, le thon rouge ou le grand requin blanc, bah bientôt il n'y aura plus de baleines, de thon rouge ou de grand requin blanc. Par contre, les océans proliféreront de petits poissons vu le manque de prédateurs. Bref, les écosystèmes océaniques seront bouleversés, des écosystèmes épargnés jusqu'à il n'y a pas si longtemps, vu que les humains ne pêchaient qu'au large des côtes. Ben là, c'est partout qu'ils sèment la mort. Notez que si on n'a rien à voir avec la disparition des dinosaures, c'est probablement nos ancêtres qui ont exterminé les mammouths. Comme quoi, on a de qui tenir finalement. Enfin en football, début ce soir de la phase de poule en Europa League avec 4 équipes belges en lice. Anderlecht accueille Karabakh, un club d'Azerbaïdjan. Les 3 autres adversaires des formations belges sont plus connus, à savoir le Rapid Vienne qui accueille Genk, les Portugais de Braga qui reçoivent Gand et le Celta Vigo en déplacement au Standard. Fun Radio. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. On a des places à vous filer là pour le festival Rions ensemble contre le racisme. Ça se passe à Charleroi le 20 septembre et à Bruxelles le 22 septembre. Ça vous dit d'y aller ? Eh ben allez-y, vous envoyez maintenant rire par SMS au 3044. On va vous prendre à l'antenne juste après le programme de la météo, Carlo. Demain, les températures sont comprises entre 20 et 23 degrés. Pas mal de nuages, un petit peu de soleil encore hein, pour faire bonne mesure. Et puis en fin d'après-midi, on attend quelques petites ondées en provenance du littoral. Voilà, tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain à 5h30 et vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Justin Timberlake. Salut. Pendant les portes ouvertes Volkswagen jusqu'au 20 septembre, la Polo est à partir de 129 euros par mois en location pour particuliers. Infos et conditions sur Volkswagen.be. L'Happy Hour avec Audrey du lundi au vendredi 17h-20h sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. When you dance, dance, dance. magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop. Ce générique. Aucun moment, moi j'ai demandé ça. Bienvenue sur Fun Radio si vous venez de nous rejoindre. Eh ben, c'est la Piwa. On l'a assez répété dans le générique, hein, je ne peux pas le redire. Bienvenue tout le monde. On est avec Talib et Farah qui sont nos invités aujourd'hui. Oui. C'est deux humoristes super sympas, super drôles qui participent à Rion Ensemble contre le racisme. Je dis qu'ils sont super drôles, mais en fait, j'ai jamais vu un spectacle. Moi, j'ai vu. T'as vu. Ils sont drôles. Ouais, ouais. Tu mets le tampon. Tampon. Je vais pas dire autre chose. Fab fait des choses bizarres aussi dans la vie parfois. Hein, il m'a raconté des trucs et tout. Si vous voulez, je peux balancer parce que en fait, Talib et Farah, c'est un peu des potes aussi de Fab. Donc peut-être qu'ils connaissent pas vraiment le véritable Fab comme nous on le connaît au quotidien. Arrêtons tout. Balance une histoire que je t'ai rencontrée. Le mot tampon dedans. Non, pas tampon. Voilà. Quoi que si, une fois tu m'as dit que t'avais fait l'amour avec une femme et que le tampon s'était enfoncé tellement loin qu'elle l'avait pas retrouvé. Excusez-moi, mais c'est tout. Oui, j'ai un gros sexe et je n'en peux rien, d'accord. J'en souffre tous les jours. Audrey. C'est toi qui m'as. C'est pas la peine de me le rappeler, d'accord. Et moi, je te le rappellerai jusqu'à la fin des temps et ça, c'est promis. Bon, Talib et Farah, vous êtes là pour défendre justement ce festival vraiment sympa. C'est pour la bonne cause en plus. Rions ensemble contre le racisme qui se passe le 20 septembre à Charleroi, le 22 septembre à Bruxelles. Donc pas d'excuses hein, pour ne pas y aller. Alors il y a plein d'humoristes parce que vous n'êtes pas les seuls aussi à être de la partie. Il y a qui aussi qui sera là? Bah, Kevin Razi déjà. Parisien qui est très connu, sur les soignons, et puis des tas d'autres gens que tu ne connais pas. C'est ça. Il y a Emily aussi, j'ai entendu. Il y a Emily. Emily Crone, c'est possible. Et Emily, si tu veux, nous on a la liste complète. Nous, on a tous les noms. David Samin, Farah qui est ici. En plus, elle tombe bien, c'est Farah. Ah, c'est elle. Charles Deschamps, Rukiata, Étienne Cerc. Et c'est tous des gens qu'on aime bien. T'as vu, je sais même pas penser leur nom. J'adore parce que. Il y aura quand même Samia Orseman, Cécile Djunga, enfin aussi plein de gens. Et c'est cool parce que nous, on a la liste complète, mais j'aime tellement le voir galérer à balancer. Il s'est lancé comme ça, on sentait qu'il était pas sûr de lui. Mais non, mais il l'a fait, on l'applaudit. Bon, bravo. Il a découvert la programmation, la Viora Farah. Oh, Farah qui est là. C'est pour ça qu'on est là. Mais oui. Bravo, Farah. Très drôle, c'est tout. Talib, Farah, j'ai pas besoin de vous présenter Fab, du coup, vous le connaissez Non, non, vous savez aussi de quoi il est capable. Faire cadre des tampons à des filles. Ouais. La fille au tampon. Mais il est capable aussi de faire des questions à la con, et ça, c'est pas spécialement facile. On dit qu'aucune question n'est jamais stupide. Sauf les siennes. You're a loser. C'est le moment des questions à la con dans l'Happy Hour. Eh ouais, vous allez devoir passer sur la table de ça ne veut rien dire. Vas-y, non, fais des questions, non. Fab. Ouais, alors disons que moi, tu vois, je suis pas vraiment journaliste. À peine humoriste. Mais je voulais vous faire un questionnaire, mais pas un questionnaire genre normal et tout. Genre, ah tiens, tu fais quoi? Pourquoi t'as... Je connais les réponses, je vous connais, donc ouais. Je sais quoi. Mais il y a des trucs que j'ignore de vous, alors je vais en profiter pour vous les demander maintenant. Talib et Farah, oui. Quand vous étiez enfant, quelle était la plus grosse connerie que vous ayez faite dont aujourd'hui vous avez le plus honte? Vous avez jamais dit à personne. Tu commences, Farah? Non, je réfléchis d'abord, vas-y. Okay. Genre, j'ai pas fait de conneries, c'est ça? Bah oui, mais les femmes, ça fait jamais de conneries, c'est connu ça. La plus grosse connerie. Alors, Talib, la plus grosse connerie que t'as fait dans ta life, genre, t'en es pas fier. Voler une cassette à mon oncle et qui s'avérait être une cassette pornographique. J'avais 4 ans et j'ai vu du porno pour la première fois. Je sais pas. Et j'ai vu du porno pour la première fois à 4 ans. Au début, je croyais que c'était un hérisson. Ouais. Et puis en fait, la caméra a reculé, c'était des poils plus bien. Oh, c'est dégueulasse. Ton oncle aimait bien les films allemands alors? Ça se passait sur un bateau. Puis c'était cool en fait. J'ai vu l'heure et demie parce qu'à l'époque je savais pas me masturber. Donc ça... Non. Donc, on regardait les films entièrement à l'époque. Mais enfin. Bon, Farah, toi, une connerie que t'as déjà fait? Sur mon petit frère. Enfin, ouais, mon petit cousin, attention. Je lui ai collé. Il était tout petit, le pauvre, il avait 1 an. Un petit. Tu sais, il y avait les espèces de livres à colorier à dessiner. Ouais. Il y avait des petits stickers. Et je lui ai mis un petit sticker en guise de prépuce. Je l'avais bien collé. Et comme il était trop petit, je pouvais pas dire que c'était moi. Et ils ont dû le mettre dans l'eau chaude et tout pour lui enlever ça. Ouais, c'est très sympa comme émission entre le tampon, le tampon, le. Non, mais Fab, t'as vraiment de chouettes amis, hein, vraiment, ça fait plaisir. Et tu dis que moi je suis fou. À quel moment tu dis je vais faire un prépuce à mon cousin? C'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Allez, c'est parti. Genre, okay. Tu vois, Dr. Queen. Deuxième question. Bon, Talib et Farah, quel a été votre plus gros bide sur scène, mais qu'aujourd'hui vous assumez? Moi, je veux dire, moi, il n'y a pas longtemps, je me suis fait insulter et humer. Ouais. J'ai dû descendre parce que les gens commencent à acheter des trucs. Okay. Farah, tu commences cette fois-ci? Ok, je commence. Mon plus gros bide, je dois dire le lieu ou... Ouais, vas-y, dis tout. On veut tout savoir. Alors, c'était à Rémicourt et je me souviens, c'était la première fois que je faisais le Kings of Comedy Show. Donc, c'était la première fois que je voyais Talib, Guillermo Guise, des gens hyper, hyper talentueux. Et j'ai T'as vu, elle t'a pas cité, Fab. Elle a dit des gens talentueux. Fab était pas là, mais sûr, parce que Fab me porte chance, mais il était pas là, du coup bide, mais une torture 10 minutes de bide, et il y avait deux c'est personnes, c'est pas vrai, elle exagère, c'était 15 minutes. Non, je te jure, c'était 15 minutes de bide. C'était horrible, et il y avait deux personnes devant moi, tu sais, qui étaient, mais d'ailleurs je me suis dit pourquoi ils sont là, c'est main croisée qui te regarde droit dans les yeux et qui dit mais ça, t'es nul, je me suis toujours demandé comment les humoristes faisaient, parce que ça m'arrivait d'aller voir un humoriste que sérieux je trouvais pas spécialement drôle. Vas-y, et ça va faire du mal. Et du coup je me dis comment vous faites pour maintenir le cap, quoi, genre rien à foutre, le mec je sais que je le fais pas rire mais je continue. C'est une technique en fait, c'est tu pleures mais les larmes tu les fais couler à l'intérieur. Mais après tu penses au suicide, quoi, tu vois. Ah oui, et alors les gens, le pire c'est les gens derrière, non mais c'était pas si horrible que ça. Et puis après les gens parlent de cette soirée, ouais, enfin c'était pas ton Rémicourt ou ton Bastien, tu vois, c'est pas ton jour, c'est horrible. Allez, on se fait une dernière question, Fab. Alors quel est votre petit plaisir, le péché mignon, un truc qui est pas glamour mais dont vous pouvez pas vous passer, genre moi regarde, je vais te dire, moi des fois j'ai des piqûres, après ça fait des croûtes, je gratte la croûte et après je la mange. Oh oui, j'aime pas gaspiller. Voilà. C'est dégueulasse. Bon, alors est-ce que vous faites des trucs dégueux comme Fab aussi ou pas? Moi c'est pas dégueu, mais je prends des bains comme une fille, genre j'éteins la lumière, j'allume des bougies, je mets de l'huile. Pourquoi de bain comme une fille? Attends, c'est quoi ce cliché? Mais c'est censé être un truc de fille, c'est ce que tout le monde dit et tout le monde se moque de moi. Alors non, que je suis moi, comme toi, je suis pareil. Et mais tu traces aussi les jambes ou pas? Je me pile parce que ça fait beaucoup de choses. Sérieux, un petit bain avec des bougies. Ouais, genre, moi je fais ça tout le temps. D'autant que Fab a un vrai jacuzzi. J'ai pris un jacuzzi. Je me suis lavé chez Fab. Il a un jacuzzi, mais il a une maison dégueu, quoi. Faut pas faire genre, il a une super maison de top et de top. Faut arrêter de mentir aux auditeurs qui écoutent l'émission. Hein. Toi, Farah, vite fait, un petit truc aussi du genre ou pas? Bah, je continue à coller des stickers sur des prépas. Ça fait plaisir. Vraiment, merci d'être là, les copains. C'est vraiment chouette. À fond, si vous voulez aller les voir, allez, je sais pas, parler de prépuces aussi. Hein. Rions contre, ensemble contre le racisme. Ça se passe à Charleroi et à Bruxelles. Si ça vous dit d'y aller, bah, allez-y. Vous nous envoyez un petit message. Vous envoyez rire par SMS au 3044. Et si vous voulez la liste des humoristes, bah, direction le site www.rionsemblecontreleracisme.be. Anyway, you want to go. I follow. beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life. With you. I know they gon' make it colossal in here. Raining is red. Cause shawty, you thinking them tricks that you do with your body. Got all of these diggins, they crowding around you like they seen Beyonce in here. She here, she here. You want your own and you need your own. Baby, who am I to judge? Who am I to judge? Cause how could I ever trip about it when I met you in the club? I met you in the club. I make enough for the both of us, but you dance anyway. You know I was raised in the A. Shawty, I don't mind. If you dance on a pole, that'll make you a shawty. I don't mind when you work until three. If you're leaving with me, gon' make that money, money, money. Your money, money, money. Cause I know how it is. Gon' handle your biz and get that money, money, money. Your money, money, money. You can take off your clothes long as you coming home, girl. I don't mind. No, I don't. When you get off of work, I'll be ready to go in the Rari. And when we get home, we have us our own private party in here. So I don't worry at all about the things they do or say. I love you anyway. You can twerk while in a split. You racking up them tips. Your body rocking, your booty popping. I'm proud to call you my boo. They be looking, but they can't touch you, shawty. I'm the only one to get it. So just go ahead, keep doing what you do. Mind, yeah. If you dance on a pole, that'll make you a shawty. I don't mind when you work until three. If you're leaving with me, gon' make that money, money, money. Your money, money, money. Cause I know how it is. Gon' handle your biz and make that money, money, money. Your money, money, money. Can take off your clothes. Yes, sir. Your boy, you CJ. Coming home, I just wanna mind. Cut her up, tryna beat it up. Tryna take somebody chick, turn her to a slut. Tryna fill my cup, tryna live it up. Throw some hundreds on the air, walk her out the club. Yeah. Lap dance for the first date. bet I throw a few bands, that's third base. It's okay if you work late, we can still party like it's your birthday. We can still party hard in your birthday suit. Knock the booty out the park like my name Beirut. Shawty, she just wanna tip, I just wanna see you strip. If you do me like you love me, shawty, you might get rich. Have her own cake, her own place, blowing own gas, no role. When we in the bed, she like to role play. Tell a friend to join in both ways. Shawty, I don't mind. Yeah. If you dance on a pole, that don't make you a. I don't mind. When you work until three, if you leave with me, girl, I know you gotta make that money, money, money. Oh. Your money, money, money. Cause I know how it is. Girl, go and do your biz. Make that money, money, money. Make your money, money, money. Yeah. You can take off your clothes. Long as you coming home, girl. Bonne soirée sur Fun Radio, la suite du son Dance Floor, c'est avec Mo que ça se passe, Final Song, et puis il y a le nouveau Aaron Chupa qui va arriver. On vous l'a fait découvrir là dans l'heure de 17h, et bah c'est reparti, tellement on le kiffe, on s'en fout, on le remet. Et tu peux pas nous remettre un petit bout de Aaron Chupa là, pour ceux qui ont loupé ça, sérieusement, c'est le nouveau kiff de l'équipe. Je suis sûre que vous allez le kiffer ce son, c'est... écoutez ça, franchement. Et quand tu veux, hein. Il est là, il est là. Magnifique. Allez! Chupa qui va arriver dans quelques petites minutes sur Fun Radio. Si vous venez de vous brancher, on est avec Talib et Farah, deux humoristes qui seront de la partie hein, pour Rio Ensemble contre le racisme. Je rappelle vite les dates là pour ceux qui viennent de se brancher. Peut-être ça se passera le 20 septembre à Charleroi, le 22 septembre à Bruxelles, à Uccle plus précisément, et un site internet en www.rioensemblecontrelracisme.be si ça vous dit d'y aller. D'ailleurs, Mélanie qui vient de Liège, elle a envoyé son petit message. Salut Mélanie, comment ça va? Bonjour, ça va et vous? Ah bah écoute, ça va, il paraît que t'es bouché sur. Dans les embouts. Sur l'autoroute, donc voilà, j'écoute Fun Radio et j'ai envoyé un petit message. Hey, voilà. T'es bloqué depuis combien de temps? Ça fait deux jours. En fait. 20 minutes. 20 minutes. Ah oui, quand même. On rappelle qu'il est strictement interdit d'utiliser son GSM dans un véhicule. Oui, mais j'ai vu qu'il m'a dit, ça va. Ah, ouais, mais pour le SMS, ça marche pas. Il s'est pas nous arnaquer. Bon, t'as eu. Mélanie t'a envoyé un message pour aller à Rio Ensemble contre le racisme. Et bah, tu sais quoi, on te file tes places. C'est gagné. Ouais. Hey, Mélanie, t'en veux combien? 40. 14. Ah bah, je sais pas, je peux prendre le nombre que je veux. Bah, essaie toujours, on peut négocier. Vas-y, propose. C'est pas si aller avec mon copain et mes amis, d'en avoir 4. Allez, c'est bon, c'est pour nous, c'est pour la maison. 4 places, bim, voilà, c'est bon. Merci. Eh bah, tu raccroches pas, Mélanie, on va te filer tes places et prendre tes coordonnées en antenne. Si vous aussi, hein, de l'autre côté de la radio, vous avez envie de choper vos places, bah, vous envoyez rire par SMS au 3044. Talib, Farah, merci beaucoup d'être venu sur Fun Radio. Merci à toi. Et bah, franchement, on viendra vous voir. Hein, l'équipe, on ira tous ensemble. On ira à Charleroi parce que j'ai promis qu'un jour à l'équipe je les emmènerai à Charleroi, ils osent pas y aller donc c'est pas possible, ça. On ira dans ta voiture comme ça on sera pas piqué la note. Bon, on fera comme ça, on vous fait des gros bisous à tous les deux et bonne merde hein, pour l'aventure Rio Ensemble contre le racisme. Fab, tu peux vite rappeler les artistes, les humoristes? Alors, qui sont là, ça va être du lourd, il y aura Shirley Soignon, Shirley. Tu veux que je le dise à l'américaine? Shirley Soignon, Kevin Razi, Emily Talib, Farah. Talib, il paraît qu'il est drôle. Moi, Etienne Sterk. Talib, c'est c'est nouveau. Voilà, et bah vous avez la liste des humoristes. Allez voir sur le site www.rionensemblecontrelracisme.be. La suite du son maintenant, c'est avec Mo que ça se passe. Final Song, il y aura aussi Aaron Chupa. Et puis on va tout savoir sur les potins. Potins et popotins, c'est ce qui arrive dans la suite de l'émission dans la POR. On est avec vous jusqu'à 20h. Bougez pas. Accrochez-vous. Oui, dans la radio. Salut, c'est Bruno. On fait l'appel? Christina présente. Karina, Mika et Anto du JPI. Présent. Brachet, présent frère. Meryl, Nicolas du web. On est là. Fonf, je suis là aussi. Salut, c'est Louzman. Elliot. Et ouais, je suis là. Réveillez-vous avec l'appel de Vaché, le JPI, le choc des générations, le paiement de vos factures et du son dance floor. Tous les matins, 6h-9h, Bruno dans la radio, sur Fun Radio. C'est vert. Et oh, c'est vert. Quoi? C'est vert, je te dis. Ben voilà,

chanson. Radio, dans quelques minutes, c'est les potins et les popotins qui arrivent. Tu vas nous parler de qui ? À parler de Kim. Eh bah super, Kim Kardashian, ça sera juste après. Eh bah le tout nouveau son d'Aaron Chupa maintenant qui débarque. Nouveauté, new music, découverte Fun Radio. Comment dire ? Ce son, c'est une tuerie, on l'écoute en boucle dans l'équipe. Franchement, je suis sûre que vous allez le kiffer aussi, le nouveau Aaron Chupa sur Fun. Grandpa's gone. Radio. La suite, c'est avec Matcon que ça se passe, avec Willy William. Keep My Cool qui arrive, bien aussi du Bob Sinclair. Et puis Imani pour la suite du son. Ça sera juste après les potins et les popotins. Les stars, leurs aventures, leur vie, le rêve quoi. Le tout raconté par Fab, c'est Potin et Popotin dans la Power. Enfin le rêve, ça dépend de bof, quoi on parle quoi. Par exemple aujourd'hui, Fab m'a vendu du rêve, il m'a dit on va parler de Kim Kardashian, mais c'est un truc qui me fait pas rêver, tu vois. Oh, mais, attends, parce que toi t'es une meuf déjà, mais les oui, mecs ils c'est fantasment ça sur Kim. Non pas vraiment, excuse-moi mais... Pas à toi. Ah mais tiens, c'est un bon débat ça autour de la table. Sandro, est-ce que tu la trouves plutôt mignonne Kim Kardashian? Pas du tout, c'est des énormes fesses, c'est des gros seins, c'est... Alors attends, si on oublie le fait que ta copine est venue en visite et qu'elle est à côté de toi dans le studio, est-ce que tu peux dire maintenant la vraie réponse s'il te plaît? Bah elle est bonne effectivement. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'aimerais bien faire un truc avec... Non, honnêtement j'aime pas parce que c'est exagéré. C'est trop quoi, ouais, c'est dans c'est l'extrême. Mais non, c'est vrai, le kéké du standard, même si t'aimes les hommes normalement, mais si admettons tu étais pour les femmes. Non mais elle est trop reliftée. Elle est trop quoi? Reliftée. Ah reliftée. Ah, ouais. C'est pas tant ça le problème. Bah, t'as vu la paire de fesses qu'elle a quoi, à un moment donné c'est juste pas naturel quoi. À mon sexe et moi on a voté, on est d'accord. Le seul truc qui me dégoûte, enfin qui pourrait me répugner chez Kim, c'est qu'elle est poilue au fait. J'ai horreur des femmes poilues. D'où elle est poilue? Bah attends, c'est un petit chien. Elle comment a tu sais ça, toi? Son front, il est poilu. Tu le vois, ses cheveux, ils partent des sourcils. Oh. Elle se rase entre les deux pour séparer. Bah, tu vois, d'un coup, je la trouve vachement moins jolie. Ah non, elle est poilue. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Kim Kardashian? Ah, elle est partie en vacances, la Miss. Elle est partie on s'en fout, attends, tu toute dis. Toute ta vita, là. Non, je vais t'expliquer. Elle est partie avec tout son clan, toute sa famille, machin. Ils vont toujours dans des destinations de dingue. Ils sont partis peu plus de 3 semaines, là. Et Kim, eh ben, elle passe pas des vacances comme tout le monde. C'est-à-dire que sur une journée, elle avait pas le temps de jouer avec sa gamine sur la plage, elle avait pas le temps de bronzer, elle avait pas le temps de faire quoi que ce soit. Elle a passé toutes ses vacances à faire une chose, une et une seule chose. À votre avis, c'est quoi? Kim Kardashian, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Je sais pas, se faire des injections de Botox. Non. C'est pas ça, Alison du standard. Se maquiller. Se maquiller, ouais. Non. Bien vu. Allez, kiké. Faire la planche sur la plage. Faire la, ouais, c'est bien aussi ça. Non plus, c'est pas ça, Sandro. Faire la fête. Faire la fête aussi, ouais. Non, ça aurait pu, mais c'est pas ça. Bah vas-y, balance alors. Elle a fait que prendre des photos. Des photos de qui? De elle. Ah, ouais. Non. Ah ouais. Des selfies. C'est pour des trucs comme ça que les filles du genre je déteste quoi. Non, oh là, attends, je vais t'expliquer un truc. Il y a les filles du genre qui font quelques selfies d'elle la journée, et puis il y a Kim. Quand je vais vous dire combien elle en a fait, vous n'allez pas en revenir. À votre avis, combien de selfies elle prend par jour? D'elle? Par jour? D'elle, par que jour. D'elle de, déjà, selfies, ça veut dire qu'elle en prend plusieurs. On a Constance qui est là qui vient d'Oreille. Oreille? Oreille. Ah, c'est bizarre. Je suis pas sûre de la destination. Tu m'entends bien ou pas? Oh non, arrête, non. Constance, oui. Ça va? Oui, allô? Je peux me comprendre. Mais attends, Oreille. Oreille, c'est où, Constance? Bah, à côté de Wanham. D'accord, donc ça existe vraiment. Bah, et les habitants de la ville s'appellent les tympans. Donc... Ou les selles humaines, ça dépend. Oh. Arrête, c'est dégueulasse. Bon, Constance, à ton avis, combien de selfies elle prend Kim Kardashian par jour? 1500 par jour. 1500 par jour, est-ce que c'est ça? Ah ouais, pile poil. 1500 c'est par jour. 1500. Mais c'est pas possible. Par jour. Comment c'est possible? Elle est revenue avec 6000 photos de son séjour, soit 1500 par jour. Et j'ai calculé parce que je suis fort en maths. Tu sais combien ça fait à la minute? Et attends, à la minute. Divisé par 60 fois 4. Je sais pas combien. Ça fait 1 par minute. 1 par minute. Un selfie d'elle par minute. Ouais, mais ça c'est fait. Quand ça t'y croit, c'est là, Constance, toi? Bah apparemment c'est vrai. Mais enfin, oh là là. Comment tu fais? Alors la meuf elle fait que ça, donc elle tout le temps elle fait des selfies. Mais elle arrête pas, elle est tout le temps occupée. Elle le dit elle-même, elle a pas pu jouer avec ses gosses, elle a pas pu faire bronzette, elle a mais... pas tu m'étonnes. S'amuser parce qu'elle était trop occupée à prendre des photos d'elle. Constance, tu la trouves comment toi, Kim Kardashian? Bah c'est une belle femme, mais voilà, comme vous parliez tantôt, les fesses c'est un peu faux quoi. Bah laisse tomber. Bah, et alors? Dis Oreille, c'est pas un peu près de Liège ça? Parce que t'as un accent, t'as fait une rechute à un coup, je sais pas ce qui s'est passé. J'adore parce que jusque là Constance elle a réussi à noyer le poisson, tu vois, genre oui non mais je viens de Oreille certes, mais c'est quand même un peu près de Liège. Eh bah Constance, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Tu vas faire quoi de beau ce soir? Rien du tout, je vais me reposer. Ah bah c'est très bien ça. Et bah écoute, bonne sieste hein, ma Constance, reviens quand tu veux dans l'émission. Merci. On te fait des gros bisous. La suite du son maintenant, c'est avec Matcon que ça se passe. Il y a aussi du Bob Sinclair. Et puis si vous avez envie d'aller à Las Vegas, restez bien là, ça se passe avec Fun Radio Desperados. On vous explique tout ça juste après Matcon. You know I've been... If I act a fool, it's because of you. que je pète un plomb et tu le sais. Tu le fais exprès. Je fais des efforts et toi t'es pas content. Je prends sur moi quand tu prends les devants. Surtout, ça me rend fou. Tu fais ta princesse pour le style. Je me demande si t'es là pour ma maille. Je m'en fous. Et quand je te vois, je suis censé rester cool. Ma belle, t'es pas du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé toi et ta beauté. Mat le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car un minute tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant, mais. Et je suis censé rester cool. So fresh and so clean. Try and get a vibe but keep it low key. I said don't worry, the drinks is on me. And how to keep cool when this chick is so real. Yeah, blown off the meter. Repeat to myself, keep cold when you meet her. Don't need to get drunk to talk, but with that juice in your truck. How am I supposed to keep my. C'est avec Imani, ça se passe dans Bis au Chai. Vous écalez aussi le nouveau Cire, hein, si vous l'avez pas encore entendu, restez bien là. C'est ce qui arrive juste après ça, direction Las Vegas. La teuf la plus extrême du monde. Villa avec Desperados dans un avion zéro gravité. Oh yes, avec Fun Radio que ça se passe. On vous envoie à Las Vegas pour le festival Zero Gravity. En plus de ça, ce qui est cool, c'est que la grande finale, eh ben, ça se passe ce soir chez Dylan. Ouais, ça va être une belle émission. Bonsoir tout le monde. Grosse émission, notamment avec cette fameuse opération avec Desperados. Ouais. Puisqu'on envoie nos auditeurs à Las Vegas participer aussi au festival Zero Gravity que je vais te laisser décrire. J'adore quand tu es timide. Comment ils vous laissent dans la merde. Non mais en gros le festival Zero Gravity, vous allez embarquer à bord d'un avion de la NASA, d'accord. Ouais. Et pendant qu'il va faire des petites chutes libres, lui, l'avion, et ben ça va reproduire l'effet de l'apesanteur, un peu comme si vous étiez un astronaute. Ton estomac va ressortir par tes narines. Ah, peut-être aussi, ouais. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y aura tout pour faire la fête à bord de l'avion. Il y aura un DJ qui va essayer de mixer tant bien que mal pendant que le truc est en train de faire des loopings. Et puis il y aura tout ce qu'il faut, évidemment, des Desperados. Est-ce que vous savez pas ce que vous partez pour 3 jours à Las Vegas? Et ouais, cool. Parce que sur place, il y a aussi toutes les fêtes qui sont prévues. Il y a, enfin, les entrées, ouais, dans les discothèques. Bref, c'est juste énorme. Comment il faut faire si on veut gagner ce beau cadeau chez toi ce soir, Dylan? Eh ben, il faut plus rien faire parce que la finale c'est aujourd'hui et il y a plus de présélectionnés. On a nos trois présélectionnés à 20h. Attends, on peut pas négocier. Allez, fais un effort, un petit message. Vas-y, bon. Rajoute. Allez, vas-y. Ouais, vas-y, si on tire sur ton salaire, il y aurait peut-être moyen. Mais eh ben, c'est quoi, je donne de mon salaire. Vous envoyez Despé par SMS ou 6322, c'est pour moi. Eh, fais gaffe, c'est 4 mois. Hein. 4 mois. 500, ça fait 2000. Hein. Alors, je viens de changer d'avis subitement. Là, voilà. À 20h, on saura le. Enfin, je donnerai le défi. Il y aura un défi à 20h. Et 20h30 max, on saura qui repartira avec son trip. Énorme. Voilà. Restez bien connectés sur Fun Radio. Et en plus, c'est le nom de l'émission. Fun Radio Collective. Philippe Bouvard tremble. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ça se passe sur Facebook, sur le Twitter, sur le Snapchat, par SMS au 3044. On compte sur vous. Restez bien branchés sur Fun Radio à partir de 20h pour aller jusque-là. Je vous cale maintenant le nouveau Imani. Et puis, il y aura aussi Sia là, dans quelques petites minutes. Bougez pas. Pour la rentrée, gardez le smile avec le son Dance Floor de Fun Radio. Toute la journée, tous vos sons en premier pour continuer à faire la teuf toute l'année. Salut, c'est Tiesto. Salut, c'est Willy William. Hey, what's up, it's Martin Garrix. Hey guys, this is Dimitri Vegas, I'm like Mike. Toutes vos stars référées sont sur Fun Radio toute la journée. Et dès 22h, pour faire la teuf en soirée. Party Fun. C'est Before Party Fun sur Fun Radio. La teuf toute l'année, c'est sur une seule radio. Fun Radio, le son Dance Floor. Elle vous fait trembler. Elle vous crée de magnifiques auréoles sous les bras. Elle est la peur de parler à un client dans une langue qui n'est pas la vôtre. Hola, señor Diaz. Muchos chorizos. ¿Cómo está la playa?